Je peux circuler en feu de route? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de croisement? Oui, réponse C. Non, réponse D.